Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Podcast Science numéro 26 avec Mathieu cette fois. Salut Mathieu. Salut professeur Fun. Alors c'est un épisode un petit peu mouvementé. D'abord on a perdu Antoine qui a eu un souci, un accident dans sa famille, il a dû se rendre aux urgences, il n'a pas eu le temps de préparer son dossier, enfin finalement tout va bien. Ensuite on allait démarrer l'émission à deux, puis toi tu as eu une coupure de courant à Barcelone, donc ouais, là tu es dans un cybercafé. Exactement, je me suis retrouvé dans le noir chez moi tout d'un coup et bon, plus rien, blackout. Et donc bah voilà, là je suis dans un cybercafé pour faire le podcast. Donc si vous entendez un peu des bruits de fond, faut pas vous étonner, il y a du monde, ça discute. Ouais, alors c'est numéro 26, on n'a pas eu d'emmerde pour le numéro 13, mais en 2x13 ça passe pas. Intéressant. Bon, ton cybercafé ferme dans 40 minutes, donc de toute façon, quoi qu'il arrive, on va pas pouvoir abuser sur la durée de l'émission, d'autant plus qu'on n'a pas Antoine et son sujet, donc de toute façon, on va faire un peu plus court. Alors, peut-être juste dire en intro qu'on a eu une proposition super intéressante de Homo Celestus, qui propose qu'on participe ensemble avec les auditeurs à une recherche scientifique. Moi je trouve l'idée vachement cool. Tu vois, qu'est-ce que t'en penses toi? Ouais, c'est très cool, mais faut voir comment on gère ça, parce Exactement, que ouais. ça peut faut déjà motiver des gens, donc faut voir s'il y a des gens motivés pour participer à une recherche, il faut voir comment on arrive à manager un projet comme ça. Donc ouais, c'est pas tout simple, ça mérite un peu réflexion quand même. Je crois qu'on ouais, on va y réfléchir de notre côté. Peut-être mettre en ligne un petit sondage, voir s'il y a des gens qui sont prêts à participer, puis voir s'il y a une recherche qui veut bien de nous et puis que ça nous bouffe pas le peu de temps qui nous reste. Donc, ouais, super bonne idée. Il faut juste voir si on arrive à la faire, quoi. Si on arrive à mener ça à bien sans que ce soit la cata. Donc, Homo Celestus, on reviendra vers toi bientôt. On va mûrir tout ça et si des auditeurs ont des idées sur comment mener un tel projet, ben, n'hésitez pas à nous en faire part sur le site ou via Facebook ouais, pour, c'est un vrai. Peu, pour un peu entamer la chose. Bonne idée, excellente idée. Et puis alors sinon, bah, deux, trois petites news. On va peut-être commencer par les nouvelles du CERN tout d'abord. Donc finalement, finalement, je ne sais pas, mais en tout cas pour le moment, on est 26 inscrits pour 24 places. Donc on commence à avoir un petit souci, on a ouvert une liste d'attente. Si jamais des auditrices ou auditeurs savent déjà qu'ils ne peuvent ou ne veulent plus venir, bah, ce serait sympa de nous le dire, libérer les places, histoire qu'on puisse qu'on puisse y aller avec ceux qui peuvent. Il y a des gens qui viennent de loin, qui doivent s'organiser, donc ouais, ce serait pas mal qu'on traîne pas trop, quoi. Bon, je me réjouis de cette histoire. Je trouve vraiment cool qu'on ait l'occasion de faire connaissance en chair et en os. C'est ouais, ouais ça va être super, ça va être ouais. Super. Ouais. Donc le 9 juillet toujours, hein. C'est toujours cette date. Ouais, 9 juillet de 14h à 17h, ouais, avec possibilité de manger sur place avant. Donc on verra exactement comment on s'organise, qui c'est qui veut manger ou pas, et puis où c'est qu'on se donne rendez-vous pour ceux qui viennent en transport en commun ou alors qui viendraient directement sur place en voiture. Bon, ça par contre on a le temps, quoi, en juillet. Ouais, on a le temps de s'organiser. Ouais, exactement. On en reparlera un mois ou deux avant. Exactly. Voilà, puis sinon, ben, florilège de nouveau d'informations sur Facebook et Twitter, postées directement par les auditeurs. La semaine dernière, on était à la bourre, en fait, parce qu'on avait un gros dossier, on avait des invités, on n'a pas du tout eu le temps d'en parler. Mais là, je pense que ça vaut la peine qu'on s'y arrête. Déjà, énormément de réactions encourageantes suite à notre gros dossier de la semaine dernière sur le site et sur nos textes. Un tout grand merci à tout le monde. Ces encouragements nous vont toujours droit au cœur, quoi. C'est très cool. Sinon, on a eu une proposition très incongrue. Je crois pas qu'on en ait déjà parlé, hein. Je crois que c'est la proposition la plus bizarre qu'on nous ait faite. C'est notre ami Jean-Pierre sur Facebook qui nous dit « J'ai 62 ans, je suis curieux de science. Votre vulgarisation cool me comble. Puis-je adopter l'un d'entre vous ?» Ouais, je sais pas trop quoi répondre à ça, pour dire franchement, mais c'est vrai que c'est excellent, quoi. Ouais, t'es prêt à te laisser adopter, toi? Ah ouais, moi, je me fais adopter par tout le monde, y a pas de souci. Voilà, ben moi j'ai déjà un peu discuté des détails avec Jean-Pierre parce que la proposition m'intéressait beaucoup. Je l'imaginais, tu sais, dans l'Arzac à élever des moutons. J'entends déjà les grillons et tout ça. En fait, il habite à Belfort. je trouve ça beaucoup moins sexy. Je sais pas si je vais me laisser adopter. Ben, on aura l'occasion d'en discuter. Voilà, et puis sinon, des tonnes de news proposées essentiellement par nos amis Forza Pedro, Olivier Tripet, Xavier Agnès, qui vont des vents solaires à l'énergie noire, un wiki pour référencer les wikis en biologie. On parle un peu de pseudosciences avec la cryptozoologie. On parle de l'abbé qui a inventé le terme de Big Bang, l'abbé Lemaître. Au départ, c'était un podcast. Oui, oui, je voulais dire un podcast très intéressant que j'ai écouté, écouté il y a quelques jours. Ouais, ouais. Ah ouais. C'est d'ailleurs lui qui a introduit le concept de, qu'on appelle d'atome primitif, un peu l'élément fondamental qui aurait donné origine au Big Bang. D'accord. Donc, ouais, très intéressant comme podcast. Ouais, je ne l'ai pas encore entendu, mais je crois que le terme de Big Bang était un peu ironique de sa part, non? Quand il l'a. Non, il l'a lancé, non, même pas. Non, lui il a essayé de. Ben, on n'avait pas encore du tout pensé cette idée d'un moment initial de l'univers et c'est lui qui l'a introduit. Non, je crois D'accord. pas que c'était ironique. Ok, bah, il faudra que j'écoute. Bah, d'autres liens, des exercices de maths, un scoop, l'antimatière lévite, des réflexions sur un univers à quatre dimensions, les mini trous noirs de Jean-Pierre Luminet, l'amarrage de l'ATV2 à l'ISS, c'était en live au moment où Xavier Agnès l'avait posté, un billet sur les mécanismes de l'oubli, les fluides non newtoniens, un plug pour le numéro hors série de Philosophy Magazine sur le cosmos des philosophes, un lien sur le dernier 36.9 qui portait notamment sur la plasticité neuronale, illustrée par la vision retrouvée d'une personne aveugle et dont les zones cérébrales de la vision avaient été détruites. C'est un épisode absolument génial. La fameuse vision aveugle, j'en entends de plus en plus parler, des gens qui ont des zones cérébrales de la vision complètement abîmées et détruites et qui, on ne sait pas trop comment, arrivent quand même à voir. Donc en fait, ce serait visiblement d'autres régions du cerveau qui prennent le relais vision. Et très intéressant, épatant. Ouais. Alors on ne sait pas exactement ce que la personne voit. D'ailleurs, j'ai regardé le reportage, il avait beaucoup de mal à le décrire, quoi. Il voyait un peu des... c'était un peu des formes, mais des fois il voyait un peu de détails dans la forme. Enfin, l'une dans l'autre, il arrivait à se débrouiller, quoi. Il suit même une ligne blanche ouais. sur le sol. Ouais, tu l'as vu aussi. Des courbes, et il la suit à la perfection. C'est impressionnant. Ouais. Enfin, c'est vraiment un épisode génial. Ça vaut la peine de le regarder. Bon, je sais pas si on peut le regarder de l'étranger ou si ça marche que de Suisse. Oui, non, bah, moi je l'ai. Ouais, toi, je tu l'as vu. D'accord. Ouais. Excellent. On a le décollage de la navette vu d'un avion, ça c'est super intéressant aussi. Une animation géniale montrant comment l'araignée tisse sa toile, ou encore la distance Terre-Lune à l'échelle. Donc tout ça c'est sur notre page Facebook, facebook.com/podcastscience. Franchement c'est une mine d'or, il n'y a que des news super. Sinon sur Facebook toujours, notre ami François Udrea, qui est astronome amateur, nous propose de réécouter les podcasts des conférences du Jardin des Sciences, donc de l'Université de Strasbourg, notamment les épisodes sur le LHC, même s'il date un peu, ça date d'octobre 2008. J'ai pas eu l'occasion de les écouter encore, mais je vais le faire, ça doit être intéressant. Le même François nous dit bonjour à ceux qui s'intéressent à l'astronomie, je signale les rencontres astronomiques du printemps. Une ou la plus forte concentration d'instruments d'observation en Europe. Il y a aussi des conférences. Attention, ce n'est pas une manifestation publique, il faut s'inscrire. Plus de détails sur astrorap.fr. Donc on mettra le lien dans les notes de l'émission. Sinon, sur Twitter, Christ-Yves a partagé une vidéo absolument géniale de Catherine Vidal à TED. Je ne sais pas comment on prononce d'ailleurs, c'est conférence TEDx. Ouais, c'est pas le vrai TED en fait. Ouais, tu sais, c'est des émulations des spin-off dans les de pays. TED. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Je dirais TEDx. En fait, à Paris, elle casse les idées reçues sur les prétendues différences hommes-femmes d'un point de vue neurologique avec de magnifiques illustrations là aussi de plasticité cérébrale. On a Aperture Corp qui a partagé un article sur les nouvelles molécules pour les écrans tactiles. Et puis qui nous rappelle la création d'Univers Science, fruit du rapprochement de la Cité des Sciences et de l'Industrie et du Palais de la Découverte. Et puis sinon encore, voilà, dans cette longue série de news, moi je vais encore faire un petit coucou à Vincent de Zurich qui a convaincu sa maman de Genève, 64 ans, de nous écouter sur iTunes. Il paraît qu'elle nous adore. Alors une bise à la maman de Vincent. Excellent. Et puis on a JXM, là aussi je sais pas trop comment ça se prononce, qui nous a envoyé un compliment génial encore de ces choses que j'adore. On a été son placebo pendant qu'il était mal fichu, il nous a écouté. Placebo mais en plus intelligent. Et puis qui nous propose un nouveau podcast, Les Années Lumière sur Radio-Canada. Là j'ai pas le lien mais enfin j'essaierai de le dénicher et de le mettre dans les notes de l'émission. C'est toujours cool de découvrir un nouveau podcast scientifique. Je sais pas, toi tu connais? Écoute, j'ai été sur le site aujourd'hui, mais Ah, j'ai t'as pas pas eu le temps eu d'écouter l'occasion encore. d'écouter, non. Ok, bah la liste des podcasts à écouter s'allonge de jour en jour. Donc voilà quoi, moi c'est en gros j'ai rien préparé, tu vois. Alors j'essaye de meubler, de gagner du temps, de dire merci à tout le monde. En tout cas, c'est vraiment génial d'avoir toutes ces contributions de la communauté. Moi, je trouve ça formidable à chaque fois. Donc un tout grand merci, puis continuez comme ça. C'est un plaisir de découvrir ces news partagées. Et puis voilà. Donc toi, par contre, t'as fait ton devoir. Tu nous as préparé un dossier. J'ai fait mon devoir et on va parler d'une question fondamentale aujourd'hui. Ouais, vas-y. Quelle question Alors, fondamentale? on n'a pas peur des mots. Non, je rigole, c'est pas une question fondamentale, mais c'est une question un peu mystérieuse quand même. Pourquoi la couleur de l'océan est-elle bleue? Ok, bon, enfin moi, mon hypothèse, c'est que c'est parce que le ciel est bleu et Ouais, pas tout que à la fait. Il y a un lumière, ouais, l'océan reflète la couleur du ciel, c'est pas ça? Peu de ça, comme on le va voir, mais c'est une influence très faible, en fait. Ah ouais. Ouais. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on constate aisément que l'eau qu'on se sert dans un verre ou celle qu'on utilise pour se laver les mains est transparente. On est d'accord? Ouais, dans le meilleur des cas, ouais. Ouais, si elle n'est pas trop pourrie. Mais on remarque aussi que l'eau douce d'un lac ou l'eau salée de mer ou d'un océan est de couleur bleue. Donc on a l'habitude, comme tu l'as dit, de manière erronée, d'expliquer que l'on voit les grandes étendues d'eau de couleur bleue à cause de sa superficie qui reflèterait la lumière du ciel, ou encore à cause d'une substance dissoute dans l'eau qui lui donnerait cette couleur. Mais c'est en partie une légende urbaine. On retombe sur les fameuses légendes urbaines, Encore. donc, hein, on a déjà parlé quelques fois dans les podcasts. En fait, on estime que dans un cas idéal, d'une mer calme sous un ciel bleu d'été, la contribution du bleu du ciel dans la couleur de l'eau s'élève au maximum à 2%. Donc c'est très faible. Ouais. Alors, en fait, on voit les océans de couleur bleue tout simplement car l'eau est de couleur bleue. C'est étonnant. Ouais. Bon, on va voir un petit peu tout ça, mais Ouais, bien que dans alors certains j'attends la cas. démonstration. Bon, bien que dans certains cas, comme on voit le cas d'un verre d'eau ou d'un robinet, on peut l'apercevoir autrement, c'est-à-dire transparente. En fait, en réalité, l'eau est de couleur bleue. Alors bon, c'est clair que dans certains cas, il y a certains facteurs qui peuvent affecter notre perception de la couleur de l'eau. Par exemple, s'il y a la présence de sédiments de couleur marron, ou si on a une grande concentration de minéraux ou de métaux lourds, ça peut modifier la couleur. Aussi, la présence d'algues peut donner une couleur verte à l'eau. Mais ça, c'est des facteurs externes dont on ne va pas en parler. Pour avoir une petite idée de comment ça marche, on va parler un peu de la lumière d'abord, la lumière qui nous provient du soleil. On sait que la lumière blanche qui nous parvient du soleil est en réalité composée de toutes les fréquences du spectre visible. D'ailleurs, ça avait été observé par Isaac Newton lors d'une fameuse expérience qu'il avait faite. D'un rayon de lumière qui passait au travers d'un prisme en verre. Et on avait vu que, enfin, Newton avait vu que chaque fréquence qui compose la lumière du soleil correspond à une couleur du spectre de l'arc-en-ciel, du violet jusqu'au rouge, en passant par le bleu, le vert, le jaune et l'orange. C'est la fameuse expérience du prisme. Je crois qu'on l'a tous un petit peu vu dans nos cours de physique à l'école, non? Ouais, et puis c'est une pochette de Pink Floyd aussi géniale. Ah oui, c'est juste. Ouais. Donc, lorsque la lumière blanche incidente atteint un objet, celui-ci absorbe un ensemble déterminé de couleurs, c'est-à-dire de fréquences. Une partie de la lumière est absorbée par l'objet et le reste de la lumière non absorbée est transmise, réfléchie ou dispersée. Par exemple, si les feuilles d'un arbre sont vertes, c'est parce qu'elles absorbent toutes les couleurs du spectre visible, sauf la couleur verte. Ok. Ou la fréquence correspondant à la couleur verte, qui est, elle, réfléchie et que nous pouvons ainsi percevoir grâce à nos yeux. D'accord? Ça, c'est le principe un peu de base. Dans le cas de l'eau, si l'on considère uniquement la partie visible du spectre, donc du violet jusqu'au rouge, l'eau absorbe principalement les couleurs de basse fréquence. Ce sont celles associées au rouge et à l'orange. Et par contre, elle transmet intégralement la couleur bleue. Donc, mais pour que nous puissions voir la couleur bleue depuis l'extérieur de l'eau, il faut que quelque chose puisse nous retourner ces rayons bleus à la superficie. Et c'est grâce au phénomène, à un phénomène qu'on appelle un phénomène de diffusion. C'est un phénomène par lequel un rayonnement, comme la lumière, est dévié dans multiples directions par une interaction avec d'autres objets. Dans le cas de l'eau, la lumière bleue est alors dispersée dans toutes les directions par des particules se trouvant en suspension dans l'eau et aussi par les propres molécules d'eau elles-mêmes, permettant ainsi qu'on puisse percevoir l'eau bleue depuis l'extérieur de l'eau. D'accord, c'est clair jusque-là ? Ouais, ça va, ça va. Et juste un truc, est-ce que tu arrives à mettre un peu la main autour de ton micro ? On entend des voix derrière toi assez, assez fortes en fait. Ouais, j'ai un voisin là qui parle aussi sur Skype. Ah voilà. Ça va un peu mieux comme ça ou bien ? Ouais, ça a l'air, ouais. Bon, on va essayer comme ça. Un rayon de lumière qui voyage au travers d'une grande masse d'eau est donc privé de ton rouge et sera perçu comme un ton bleu. D'ailleurs, une conséquence très curieuse de ce phénomène est que les poissons et objets qui sont rouges hors de l'eau sont perçus comme noirs au fond de la mer. C'est-à-dire, la lumière qui les atteint ne possède plus la couleur rouge parce qu'elle a été absorbée par l'eau. Ils ne peuvent donc plus la réfléchir. Donc, un plongeur qui plongerait dans l'eau verrait ces poissons ou ces objets de couleur noire, en fait. Ils absorbent toutes les fréquences de la lumière incidente qui n'ont pas été absorbées par l'eau. C'est étonnant, hein, ça. Ouais, c'est vachement surprenant. Donc, si tu portes une combinaison de plongée rouge à ces profondeurs-là, elle apparaît noire aussi. Ouais, en principe, ouais. Ouais, c'est vachement intéressant. Donc, pourquoi, finalement, la question qu'on peut se poser maintenant, pourquoi voit-on l'eau transparente dans un verre ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'absorption du rouge par l'eau est très faible. Il est nécessaire que le rayon de lumière traverse une grande distance d'eau pour que le rouge soit absorbé. Ouais, d'accord. Certaines expériences ont montré qu'avec de l'eau très pure, sa caractéristique de ton bleu est observée à partir d'une colonne d'eau de 3 mètres. C'est pour cette raison que sur une plage, l'eau se voit transparente en bord de mer ou d'un lac, là où la profondeur est faible. On peut voir le fond. Donc elle transmet intégralement toute la lumière. Il n'y a pas d'absorption de fréquence dans ce cas-là. Et plus au large, l'eau devient bleue. Les fréquences correspondant au rouge ont donc été absorbées. Alors, on ne va pas s'arrêter là parce que l'eau, c'est quand même une substance très particulière et elle a des propriétés très singulières. Pour comprendre un peu mieux ce mécanisme, généralement, la propriété de couleur tire son origine dans l'interaction de la lumière avec les électrons d'une substance ou d'un objet. Est-ce que tu entends beaucoup de bruit autour de moi ? Parce que là, ça crie un petit peu. Ouais, mais surtout, on t'entend, toi, de moins en moins fort, en fait. Je me demande si tes mains sont au bon endroit. Ouais, alors peut-être. Alors, bon, je continue. On va voir. Ouais, mais comme ça, c'est mieux. Hein, on t'entend mieux. C'est un peu à l'arrache aujourd'hui, le podcast. Ouais, de toute façon. Rien de fort. Donc, je reviens un peu sur les propriétés singulières de l'eau. Donc, généralement, la propriété de couleur, je reviens à ce que j'ai dit avant, la propriété de couleur tire son origine dans l'interaction de la lumière avec les électrons d'une substance ou d'un objet. Ouais. La lumière incidente, donc la lumière, c'est une radiation électromagnétique, donc la lumière incidente sur un corps permet aux électrons de ce corps d'absorber l'énergie de la radiation incidente. Les électrons acquièrent donc plus d'énergie et sont excités. Mais les électrons n'absorbent pas n'importe quelle quantité d'énergie. Ils absorbent uniquement les énergies correspondant à des fréquences particulières, c'est-à-dire ils absorbent uniquement des couleurs particulières. Le reste de la radiation qui n'a pas été absorbée par les électrons est celle qui donne la couleur au corps ou à l'objet. Et postérieurement, les électrons excités par le rayonnement lumineux retrouveront leur état énergétique initial en retournant l'énergie absorbée via l'émission d'une nouvelle radiation de basse fréquence dans la gamme infrarouge. D'accord ? Ok. Et alors ça, c'est le cas général. Mais l'eau, c'est un cas particulier parce que ça fonctionne un petit peu différemment. La couleur de l'eau ne génère pas exactement de cette manière. La radiation incidente absorbée est principalement utilisée pour faire vibrer les molécules d'eau et non pour exciter ces électrons. Uniquement l'absorption des fréquences associées à la couleur rouge a lieu lors de l'activation des vibrations moléculaires de l'eau. Les molécules d'autres substances peuvent aussi vibrer plus rapidement lors de l'absorption d'une radiation, mais uniquement dans des gammes de fréquences au-delà de l'infrarouge, hors du spectre visible. Donc dans ces cas, aucune couleur liée à cette excitation moléculaire n'est donc perçue. D'accord. Donc, bah voilà, j'arrive au bout du dossier. C'est la conclusion. Ok, d'accord. Bon, ça me laisse un peu perplexe en fait. Je m'attendais pas du tout à cette explication là. C'est surprenant. Ouais, moi aussi, ouais, ça m'a surpris quand j'ai préparé le dossier. D'autant plus qu'on la voit pas toujours bleue, l'eau de la mer. Quoi. Il suffit que le temps soit un peu dégueulasse et on la voit plutôt grise. Enfin, je sais pas. Je pense à la mer du Nord. Ou... Ouais. Alors, pour dire franchement, je me suis posé la même question. J'ai pas. C'est vrai que quand il y a du mauvais temps ou comme ça, on voit l'eau. Elle est pas bleue, elle est grise. Et, ouais. Alors, j'ai pas de réponse très claire là-dessus. Bon, ce que je pense. C'est qu'il y a peut-être les nuages qui absorbent aussi certaines gammes de fréquences, peut-être dans les bleus, qui fait que. Alors, je sais pas, là j'improvise complètement. Hein. Mais je me suis dit qu'il y avait peut-être ça. J'ai essayé de faire 2-3 recherches, mais j'ai rien trouvé là-dessus. Alors, il y a peut-être un filtre qui se situe au niveau du nuage, ou peut-être le remous de l'eau en cas de mauvais temps fait aussi en sorte que la lumière bleue n'est pas retransmise pour une raison ou une autre vers l'extérieur de la mer. Ouais. Je ne sais pas exactement là, mais donc si quelqu'un a une réponse, on est tout ouïe. Ou c'est peut-être la qualité de l'eau, les sédiments, etc., qui font que de toute façon la mer du Nord n'est jamais bleue. Je sais pas. Non, bon, je pense que la mer du Nord, quand il fait beau, qu'il y a du soleil, on la voit bleue. C'est plutôt en cas de mauvais temps que j'imagine qu'on la voit. Ouais, ou peut-être qu'il fait toujours mauvais temps en fait. Ouais. À chaque fois que j'ai vu la mer du Nord, elle était grise. Moi j'ai jamais vu, donc j'en sais rien. Si quelqu'un peut compléter, répondre à nos interrogations sur la mer du Nord, ce serait magnifique. Et puis ouais, bon, c'est intéressant parce que finalement c'est un peu le même phénomène qui fait que quand on observe l'air autour de nous, il est transparent, alors que quand on regarde le ciel en dehors des heures de lever et de coucher de soleil, et pour autant qu'il fasse beau, évidemment on le voit bleu. Quoi. Finalement c'est ça mériterait un autre petit dossier, je crois. Pourquoi le ciel est bleu? Je ne veux pas trop m'aventurer sur ce terrain-là maintenant. Ouais, bon, là, j'improvise aussi. Ça, c'est de la haute voltige ce soir. Mais enfin, c'est le même genre de phénomène en fait. La lumière bleue est la seule qui n'est pas complètement absorbée, exactement. Ouais. Mais ouais, ça mériterait effectivement qu'on creuse et qu'on documente un peu mieux. Ok, bon, bah écoute, on est arrivé au bout de ton dossier, avant l'heure de fermeture du cybercafé. C'est de la haute voltige, mais ça a l'air de marcher. Ouais, moi je suis un peu complètement déstabilisé, parce qu'il y a des gens qui parlent à côté de moi dans tous les sens, donc faut m'excuser si je suis un peu perturbé, mais bon, ouais, c'est les aventures de podcast science, des fois ça se passe comme ça. Ouais, pas de souci, on te regarde pas de manière bizarre, parce que t'es en train de parler... En français, peut-être. Non, écoute, non. Pas trop, mais les Espagnols ont toujours l'habitude de parler à haute voix et très fort, donc évidemment, ça dérange un peu, mais bon, voilà, c'est comme ça. Ok, alors qu'est-ce qu'on voulait dire encore? Ah oui, une petite pensée émue pour nos amis Lucille d'ailleurs, qui a préparé une illustration sur ton sujet. Donc on invite tout le monde à venir sur le site regarder ce qu'elle nous a mijoté, c'est super comme toujours. Donc je disais, une petite pensée émue pour Lucille et Anaïs Le qui ont démarré leur stage cette semaine respectivement chez Maxi Science et à la radio Prune, donc on leur tient les pouces, on leur souhaite bon courage. Et puis Mathieu, tu nous as préparé une quote. Oui, une petite quote alors que je trouve excellente en fait. Je suis tombé sur un tweet, c'était un tweet en espagnol. Donc je vais la dire en français, je la traduis directement. Elle aurait pu Antoine, c'est dommage qu'il soit pas là, mais bon, il nous en dira peut-être 2 mots la semaine prochaine. Ouais. Devenir adulte, c'est réaliser que l'on ne va jamais être astronaute. Ah, je trouve ça d'une tristesse, mais c'est vrai, c'est tellement ça. Et moi, je soupçonne Antoine d'avoir voulu être astronaute dans son enfance. Ah, je ne sais pas. Toi, t'avais voulu être astronaute dans ton enfance? Bah, bien sûr, comme tout le monde. Ouais. Ouais, je voulais être rockstar aussi. Enfin, j'ai voulu faire plein de trucs. Et puis, c'est que récemment que j'ai fini par me rendre compte que non, c'était plus possible. Ça n'allait pas la faire, non? Ouais, surtout pas astronaute. Rockstar, je pourrais encore imaginer, mais astronaute, là, c'est vraiment définitivement cuit. Ouais, bon ben voilà, la voix de la sagesse a parlé, même si c'est triste et pas très poétique. En fait, je soupçonne un peu Antoine d'encore vouloir être astronaute. C'est peut-être pas plus mal qu'il ait pas été là, on va pas lui briser ses rêves. Bon, à défaut, on peut parler un peu d'astronomie dans Podcast Science. Ouais, c'est vrai, À c'est défaut vrai. de devenir astronaute. Exactement, on se rattrape comme on peut. Ok, bon bah écoute, du coup on va en rester là pour cette semaine. Donc c'était vraiment un tout petit numéro de Podcast Science. Ceci dit, la semaine prochaine, il y aura sans doute deux épisodes pour le prix d'un. Si tout se passe bien, on a été invité suite à notre dernier sujet sur le dénialisme scientifique à répondre à une interview dans un autre podcast qui s'appelle Scepticisme scientifique. Donc on va enregistrer ça la semaine prochaine, dans l'après-midi de vendredi. En fait, du coup, on a proposé d'en faire une interview croisée, comme ça on pourra également poser des questions à son hôte. Et puis présenter son podcast. Et puis ça ne nous empêchera pas de faire notre épisode normal, en principe avec Antoine, peut-être avec l'IA, selon ses disponibilités. Et puis là, j'espère que tout se passera dans de bonnes conditions, que tout le monde sera là, qu'on aura l'électricité, qu'on n'aura pas de gens qui parlent à tue-tête autour de nous. Enfin, on a de bonnes raisons de croire que ça ne peut aller que mieux la semaine prochaine. Bah oui, Donc, espérons-le, mais bon, voilà, on fait avec les moyens du bord, ça la fait quand même, pas de ouais, souci. exactement, exactement. C'est amateur, on n'a pas de prétention professionnelle, donc on peut se permettre des petits accrochages. Absolument, c'est vrai. Ouais, non, et puis quand on devient trop pro, quand tout marche trop bien, c'est bien quand même qu'on se rappelle quand même qu'on est juste des amateurs. Et puis que finalement, on fait ce qu'on peut, comme on peut, quand on peut. Donc Ok. voilà. Bah écoute, je me réjouis de te retrouver la semaine prochaine, dans de meilleures Ben, moi conditions, aussi, j'espère. professeur Fun. Et puis, bon week-end à tous. Exactement. Et Bon à tout week-end, bientôt. à la semaine Allez, prochaine. Ciao, ciao! ciao.